J'y survivrai pas. Monsieur Moreau. Monsieur Moreau, il faut vous raisonner. Ces choses-là ne durent jamais longtemps. Elle vous reviendra. Une femme n'oublie pas si vite qu'elle a été heureuse en amour. Elle dit que ça n'est pas vrai. Elle. Oh, c'est un coup de colère, ça. Moi, je suis sûr que votre dame a de l'estime pour vous. Elle sait que vous n'êtes pas n'importe qui. Elle m'a dit que je n'étais pas fait pour l'amour. Ça, c'est une affaire entendue. Et puis après, moi, j'ai connu des hommes qui auraient passé dans des ronds de serviettes. Des hommes avec des abatis en fil de fer, avec des petits derrière pas plus gros qu'une tête d'épingle. J'en ai connu. Ah, il y en avait que pour eux. Ah, non, c'est du que ça, non. Donc, j'ai plus d'espoir. Mais vous avez la distinction. Vous savez causer. C'est bien. Et puis, vous ne faites pas le métier de tout le monde, hein? Ces choses-là, voyez-vous, ça compte. Alors, vous croyez que c'est un coup de colère? Vous croyez qu'elle peut avoir de l'estime pour moi? Ben, pardi. Oh, monsieur Duxin, si vous disiez vrai. Mais il faut jamais se décourager. Je voudrais pas espérer à la légère, mais vos paroles m'ont déjà réconforté. Eh ben, tant mieux, monsieur Moreau, tant mieux. Ma femme n'a pas pu oublier ces années d'un bonheur parfait, paisible. Nous aimions si tendrement, monsieur Duxin. N'y pensez pas trop. Si amoureusement. Mais ce qui est passé, n'est-ce pas? Il n'y a jamais eu un nuage au ciel de notre amour. Nous retrouverons ces beaux jours d'autrefois. Hein? Ne vous y fiez pas. Et ces heures de fièvre et d'abandon, ces élans de tendresse. Je n'ai pas dit ça, monsieur Moreau. Je n'ai pas dit ça. Je prendrai Lucienne dans mes bras. Elle goûtera la saveur de mes baisers. Oui, doucement, tout doucement. Je ne serai pas seulement son mari, je serai d'abord son amant. M'entendez, Duxin, son amant. Mais ne vous emballez pas si vite, enfin. Quoi? Vous n'êtes pas plus raisonnable que tout à l'heure. Je ne suis pas vicieux. Non, monsieur Duxin, mais je vous promets. Que... Mais puisqu'on vous dit de vous taire, enfin. Ces choses-là ne se racontent pas devant un étranger. Et puis, savez-vous seulement si votre femme vous a jamais aimé? J'ai peut-être parlé trop vite. C'est comme je vous disais tout à l'heure que vous aviez de la distinction. Bon, je ne m'en dédie pas, c'est une affaire entendue. Mais c'est pas tout d'avoir de la distinction. Il y a des qualités qu'il faut faire passer devant. Les femmes sont plus difficiles que vous ne pensez. Vous voyez bien, quand je vous dis que je n'ai plus rien à espérer de Lucienne, je suis plus malheureux des hommes, je voudrais déjà. Mais, alors, monsieur Moreau, vous n'êtes pas raisonnable, hein? Ah, on ne sait plus comment vous parler. Ah non. Non, tout est fini. Ah, monsieur Duxin est ici? Vous savez qu'il y a un monde fou à la boucherie? Eh oui, les jours de marché, c'est toujours plein. Oh, Fred ne sait plus donner de la tête. Maman n'est pas là? Non, mais elle ne va pas tarder. J'ai failli entrer pour lui donner un coup de main. Ce pauvre Alfred, il finira par tomber malade. Couper la viande, la servir, ouvrir l'œil, rendre la monnaie, non, c'est trop. Ben justement, je m'occupe de chercher un commis. Un commis? Mais c'est pas un commis qu'il faut, Alfred, vous le savez bien. Ah, vous me dites ça. Ben, qu'est-ce que tu as? Tu parais bouleversé. Mon pauvre petit. Mais non, c'est rien. Monsieur Moreau se sent un peu fatigué, voilà tout. Madeleine, est-ce que depuis 2 mois, ta mère n'est pas transformée? Est-ce qu'elle ne parle pas tous les jours de te mettre en pension? Ah oui, mais moi, je ne veux pas entrer en pension quand je suis en âge de me marier. Non. Lui as-tu dit que j'étais en âge de me marier? Non, ma petite fille, non. Je n'y avais pas songé, vois-tu. Naturellement, tu t'en fiches. Enfin, voyons, Madeleine, mais rien ne presse. Mais maman avait 17 ans quand tu l'as épousée. C'est vrai. Alors? Ma pauvre tête en l'air, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Faudrait déjà trouver un mari. Alfred? Quoi, Alfred? Mais il n'y a pas 2 Alfred. Le fils de monsieur Duxin? Ben oui. Mon Alfred, mon garçon, qui travaille avec moi à la boucherie. C'est pas un mauvais métier, monsieur Moreau. Non, tu ne penses pas sérieusement. Mais si, j'y pense sérieusement. Et puis, de son côté, je peux vous dire qu'Alfred... Monsieur Duxin, vous n'êtes peut-être venu ici sous le prétexte d'examiner la cheminée. Que pour m'entretenir d'un mariage entre Madeleine et votre fils, je vous réponds tout de suite que ce mariage-là est impossible. Madeleine le sait bien. Mais j'aime Alfred. Monsieur Moreau, je sais bien que le métier d'Alfred ne vous plaît pas. Bon, l'horlogerie, c'est plus propre, c'est une affaire entendue, mais il y a d'autres choses à considérer. Mon opinion est faite. Nous n'allons pas revenir là-dessus. Écoutez, quand une fille se marie avec un beau garçon, comme voilà mon Alfred, un beau garçon, hein, solide sur ses pieds, franc, et qui vous assomme déjà son bœuf à 18 ans, elle a des chances de n'être point malheureuse. Oui, alors, votre point de vue... Moi, j'ai connu des ménages de boucher. Hein. Les femmes avaient du plaisir, monsieur Mo. Elles ne disaient pas que leur mari sentait le renfermé. Et elles ne pensaient pas aux voisins non plus. Vous voulez-vous en venir, monsieur? Quand j'étais garçon, j'avais des patrons d'une quarantaine d'années et qui n'étaient pas mariés de la veille et qui passaient à chaque instant dans l'arrière-boutique et pas pour discuter le prix de l'escalope, je peux le croire. Vous parlez ici devant une toute jeune fille. Et pourtant, la patronne était une femme de la société. Elle avait eu son brevet, oui bien. Nous ne voyons pas les choses de la même façon. Cela s'explique par les caractères particuliers à nos professions. Oh, laissez-moi rire avec nos professions. À manipuler les sujets en bronze et les biscuits de Saxe, on apprend à réfléchir sur le sens de la vie. Le commerce d'une clientèle polie peut ouvrir à un homme d'esprit des horizons qui ne sont jamais du domaine de la boucherie. Ah, ça va bien. Oh, laissez la boucherie tranquille. C'est ainsi que j'ai pu me fortifier dans cette opinion, que la vie d'une épouse n'est pas une partie de plaisir. Oh, surtout quand on la marie avec un homme de bricole et de pantoufles, un pauvre bougre au teint jaune, au cou monté dans un faux collerette, un tordu sur une chaise toute la journée en chien de fusil, à bricoler, à gribouiller, à farfouiller, à démonter, à raccorder, ça vous rentre chez soi, abruti, variqueux, constipé, puant de la gueule. Beau cadeau à faire à une fille. Je vois que M. Duxin n'a pas oublié ses rancunes d'autrefois. Je vois qu'il médite toujours. Mais il ne s'agit pas de rancune. Tendez la main à un boucher, aussitôt il vous réclamera la main de votre fille. J'aurais dû prévoir. Enfin, M. Moreau, n'allons pas encore nous fâcher, une fois de plus. Je suis sûr que si Mme Moreau était... Mme Moreau n'a nulle envie de vous rencontrer ici. Vous voudrez bien à l'avenir vous le tenir pour dit. Mais encore une fois, je ne vous retiens pas davantage. As-tu vu? Avec moi, les choses ne prennent pas. Il ne comprend pas que ça va encore lui retomber sur le dos. Monsieur Duxin n'avait rien dit. Il a dit. Tu ne vas pas le défendre devant ton père. Pourquoi pas? Puisque je dois épouser Alfred un jour ou l'autre. Un coupeur de viande? Un égorgeur? Ah, j'aimerais mieux. Qu'est-ce que tu aimerais mieux? Que je me sauve avec lui? Essaie un peu... Je le ferai fourrer en prison. Et moi, je te déshonorerai. Je coucherai avec des hommes. En pension. En pension. Mais qu'est-ce qui te prend? C'est toi maintenant qui parles de la mettre en pension? En pension, au couvent, au cloître, au pain sec. Vas-tu me dire enfin ce qui s'est passé? Maman, je voulais... Taisez-vous, dévergondez. C'est parce que notre fille prétend épouser Alfred, le garçon boucher, qu'elle se révolte contre ses parents. Voilà ce qui se passe. Madeleine? Oui, j'aime Alfred. Je veux l'épouser. Eh bien, ma fille, il faut y renoncer. Nous n'en parlerons plus. Va-t'en à ta leçon de piano. As-tu vu cette sortie? Et croirais-tu qu'il n'y a pas 5 minutes, le boucher osait soutenir ici les prétentions de son fils? Et de quel ton? Il est venu. Il est venu et il est reparti. Tu veux croire que je n'ai pas été long à le flanquer à la porte? Comment? Je t'assure qu'il n'emmenait pas large. Mais non, tu ne l'as tout de même pas mis dehors. Il a pris la porte sans demander son reste. Alors c'est vrai. Tu as osé mettre Duxin à la porte. Tu as osé. Ah, Moreau, Moreau, ça m'est égal. Il disait que la bouche... Ah, tu l'as flanqué à la porte, comme ça, sans rien me dire, à moi. Allez, Duxin, prenez la porte. Vous avez trop d'épaules, vous êtes trop fort, allez-vous-en. Hein, Moreau, tu le trouvais trop beau. Lucienne, tu me caches quelque chose? Il te gênait, dit. Mais pourquoi me demandes-tu ça? Et moi aussi, peut-être que je te gêne. Tu me trouves trop jeune. Tu as peur, hein? Mais je sais pas, tu me regardes... Je voudrais que tu aies peur de moi. Tu as les nerfs malades. Laisse-moi... Regarde-moi. Je suis ton ennemi. Tu veux pas penser ce que tu dis? Ne me regarde plus, tu me fais peur. Oh, tu l'as flanqué à la porte! J'ai eu tort, j'ai eu tort. Va le chercher. Appelle-le par la fenêtre. Lucienne... Tu ne peux pas m'obliger. Je te dis de l'appeler par la fenêtre. Lucienne. Monsieur Duxin! Non. Lucienne, je peux pas. Je peux pas. Tu me fais peur, laisse-moi. Tu lui feras des excuses, Moreau. Oui. Laisse-moi partir. Je lui dirai ce que tu voudras. Cette fois, j'ai cru que ça y était. Je deviens folle. Et dire que je me suis donnée au boucher par précaution. J'ai cru lui donner mon corps comme on se débarrasse d'une chose dangereuse. Et jamais je n'ai eu aussi peur de moi. Oh. Je suis pas encore partie. Assieds-toi là, à côté de moi. Ah, tu as bien fait de revenir. J'ai pas pu m'en aller. Tu n'as pas entendu marcher dans l'escalier? Je me suis trompée. Je voulais te dire... Ah, qui as-tu vu en bas? J'ai aperçu Alfred. Et son père? Quand je suis passée l'été sur le seuil de la boucherie avec un client. Ah. Maman, je veux pas aller en pension. Tu n'iras pas en pension, tu resteras près de moi. Il ne faut pas que je reste seule. C'est vrai? J'irai pas en pension? Non, j'ai besoin de ma fille. Tu viens me dire que tu aimes Alfred? Tout à l'heure, je t'ai parlé un peu trop durement. Oh, ce doit être le boucher, va ouvrir. C'est Alfred. Alfred, maman est d'accord. Bonjour, madame, je porte la viande. Bonjour, Alfred. Nous étions en train de parler de vous. Mais n'écoutez pas Madeleine, les choses ne vont pas si vite qu'elle dit. Eh oui, je m'en doute bien. Il faut réfléchir à tête reposée. Nous ne sommes pas pressés. Je suis sûre que M. Duxin est de mon avis. Je ne crois pas. Enfin, vous lui parlerez tout à l'heure. Il doit monter pour examiner l'état des cheminées. Si ça ne vous dérange pas. Ah, moi, pas du tout. Oh, à quelle heure vous a-t-il dit que... Aussitôt que je serai descendu, il faut quelqu'un à la boucherie. Donnez-moi la viande, Alfred. Descendez tout de suite et dites à M. Duxin de monter. Au revoir, madame. Au revoir, Madeleine. Qu'est-ce qui te fait croire que tu aimes Alfred? Oh, quelle question! Je sais que j'aime Alfred, voilà tout. En somme, tu ne veux pas me répondre. Mais si, mais il y a tellement de choses qui me font penser que j'aime Alfred. Tiens, par exemple, quand je pense à lui, je sens un frisson là, sous le sein gauche. Ah oui? Alors en ce moment, tu... Oh, peut-être pas. Devant les paroles, le frisson n'est pas ce qu'il est d'habitude. Oh, va vite à ta leçon de piano, il faut que je parle au boucher. Oh. C'est moi! Je venais pour les réparations. Au revoir, Monsieur Duxin. Oh. Oh. Oh. Oh, te voilà enfin. Mais ne reste pas les bras ballants. Dépêche-toi, il est plus de 9 heures. Je n'ai pas pu revenir aussitôt. Oh. Il fallait. Quand tu n'es pas là, j'ai peur de moi. Je suis enragée. Il faut être raisonnable. Monsieur Moreau n'est pas heureux. Mais ce n'est pas lui qu'il faut plaindre. C'est moi. Il ne saura jamais me plaindre assez. Oh. Tiens, cette nuit même, je me suis éveillée au commencement du jour. Dormais, la bouche ouverte, les joues molles, dégoûtant, comme un mort satisfait qui viendrait de faire une mauvaise farce. Oh, un mort. Je demande un peu, un mort. Il avait un sourire ignoble. Oh, il rêvait, bien sûr, qu'il me pressait contre lui, sur son ventre. Mais pas forcément. Tu te figures toujours des choses, hein? Si tu m'aimais, tu comprendrais ma haine. Tu souffrirais de la présence de Moreau à mes côtés. Tu ne supporterais pas son empressement, son insistance. Tu ne m'aimes pas. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Si tu m'aimais, tu l'aurais déjà compris. Tu me défendrais contre lui. Et tu sais bien qu'il nous gêne. Mais j'essaie de prendre patience. Oh, prendre patience. On n'a pas grand mérite à prendre patience quand on est incapable d'un mouvement de colère, de juste violence. Mais si tu veux, Lucienne, partons. Je suis prêt. Demain. Ce soir, si tu veux. Ce soir. Ce soir. Et demain, toute la ville répétera que Madame Moreau s'est fait enlever par le boucher. Si c'est tout ce que la passion t'inspire, tant pis. Lucienne, encore une fois, qu'est-ce que je dois faire? C'est bon, puisque tu ne veux pas comprendre. Tiens, Va m'attendre à côté, je viens. Laisse tes galoches à la porte. Lucienne, tu es en colère. Non, va. Je te rejoins. Moreau ! Faut que tu montes tout de suite. Ferme la clé. Tu parlais à quelqu'un ? Oh oui, je disais à moi, Madeleine, par la fenêtre. Lucienne, si tu veux, partons tous ensemble. Je vends la boucherie. Je vais m'installer dans une autre ville avec Alfred. Et tu viens vivre là-bas, avec Madeleine. Non, on trouve autre chose. Oh, cache-toi, on vient. Qu'est-ce qui se passe? Je voulais te demander où tu as mis la facture de la couturière. J'ai jamais vu. C'est pour ça que tu m'as fait monter. Tu sais que c'est galoche. Je n'arrive pas à mettre la main dessus. Vraiment, je me demande où j'ai... Vu que ça est ici. Mon Dieu, Moreau, comme tu es vieux. Et comme tu es laid. Vu que ça est ici. Mais oui, il est dans la chambre à coucher. Il a laissé ses galoches à la porte. Lucienne, ça n'est pas vrai. J'allais me déshabiller. C'est bientôt fait, tu sais. Tais-toi, ne plaisante pas avec ces choses-là. C'est un bel homme, ce boucher. Quand il m'écrase sous son tablier, je deviens furieuse de plaisir. Je comprends pas qu'une femme sérieuse s'amuse à dire ses insanités. Alors tu n'en crois pas les galoches. Tu ne veux pas croire que je sois la poule du boucher. J'ai jamais songé à t'accuser. Mais puisque je te le dis... Non, pas nous fâcher encore une fois. Tiens, je m'en vais. Je te dis que je suis la poule de Duxin. Comment peux-tu prononcer un mot pareil? Depuis 2 mois. Tu ne me crois pas? Tu es ridicule, je m'en vais. Je vois bien qu'il te faut des preuves. Viens, mon chéri. Me croiras-tu cette fois? Mon Dieu. Je comprends tout. Il a compris. Lucien, taisez-vous dans un moment pareil. Crapule, cochon. Vous avez sali le nom de Moreau. Il nous jette des injures, il nous traite de crapule. Soyez raisonnable, Lucien. Et de crapule, un voyou qui vient s'accoupler avec une garce. Ça, tu ne vas pas me laisser insulter. Il faut se mettre un peu à la place de Monsieur Moreau. J'aurais payé patente pendant 22 ans pour voir un sagouin se déculotter dans mon mobilier. Si tu avais un peu de fierté. Mais ma femme, on parle d'un goujat. Tu n'as ni éducation ni savoir-vivre. Ah non, réponds-lui, c'est trop fort. Il finira par croire que tu as peur de lui. Mais c'est à nous de rester calme, voyou. Un porc. Bien sûr, il continue. Un salaud de boucher, des tangleurs de verre. Il te flanque à la porte. Les torts ne sont pas de son côté. Un cochon. Tu as un caractère. Ma vie est brisée. Monsieur Moreau, il faut vous raisonner. Vous savez bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous défends de m'adresser la parole. Cochon, crapule, vous devriez rougir. C'est pas ma femme que j'accuse, c'est vous seul. Lucienne a toujours été une honnête femme. Mais bien sûr. Si vous avez réussi à persuader Lucienne que le désir d'une brute la rendrait plus heureuse que l'amour d'un homme bien élevé, je vous réponds qu'elle en reviendra. Imbécile. Elle en reviendra, oui. Vous apprendrez ce que peut-être une honnête femme. As-tu fini de radoter, Moreau? Tu as l'honnêteté dans la peau, dans le sang, comme une maladie. Tu nous rases avec tes couplets. Je n'attendrai peut-être pas longtemps la vengeance, Boucher. Soufflant qu'elle commissaire en trousse. Tu dis une bêtise. Un amant n'a rien à craindre du commissaire. Tu foutrais une balle dans la peau, ton boucher. Tu n'oseras jamais. Non, mais ça ne fait rien. On ne le connaît pas encore. Pas bon se monter la tête, monsieur Moreau. Une fois que le mal est fait. Silence, vous. Je vous méprise. Comme ma femme vous méprise. Je maintiens que vous êtes un voyou. Un cochon. Un coup de perle à viande. Je m'en vais la tête haute. Comme un homme qui n'a rien à se reprocher. Qui compte sur l'honnêteté de sa femme. Qui attend son heure. Bavard. Monsieur Moreau! Monsieur Moreau! Pour ce pauvre Moreau. Oui, oui, tu es bon, c'est entendu. Je pourrais quand même pas l'engueuler, quand même. Tu es bon pour Moreau, mais tu me laisses traiter de garce et de crapule sans un mot de protestation. Bah, on comprend qu'il soit en colère, cet homme. Ah, Ce n'est pas toi qui te mettras jamais en colère. J'ai pas de raison de me mettre en colère, moi. Tant pis. Allons, viens. Tu n'es bon qu'à ça. Voilà, c'est le même service à découper avec un manche en argent. Non, c'est pas la peine. Lame d'acier inoxydable, bien entendu. Toutes nos lames sont garanties, monsieur. Non, je vous assure que le manche de corne est bien suffisant. Oh, il faut voir les deux services l'un à côté de l'autre pour en juger. Ça ne vous engage pas. Non, je sais bien, mais... Et dans ma profession, j'ai pour premier principe de respecter la liberté des clients, mais je n'en ai pas moins le devoir de les éclairer. Non, mais le manche de corne... On n'achète pas un service à découper tous les jours. C'est une dépense importante, hein, qu'il faut faire... Avec réflexion. Non, mais j'ai réfléchi. Je ne voudrais pas influencer votre choix, mais laissez-moi vous dire que le modèle en argent, beaucoup plus solide que l'autre, mieux monté, est aussi d'un travail plus artistique. Voyez donc, elle finit. Mais vous savez, c'est pour un cadeau. Ah, ben justement. Quand il s'agit d'un cadeau, on est obligé d'être plus difficile que pour soi-même. Oui, mais c'est un cadeau pour ma femme. Justement, il n'y a rien de plus difficile que satisfaire sa femme. Vous ne prendrez jamais assez de précautions. Je vous en parle en homme qui connaît la vie. C'est que le service d'argent est. Beaucoup plus cher que l'autre. Plus cher, alors, monsieur. Non, il n'est pas plus cher. Je dirais même qu'il est moins cher. Non, si l'on tient compte du travail et de la matière... Oui, tout de même, vous aurez si beau vous dire... Si vous offrez quelque chose de joli, d'élégant, offrez un service à découper en argent. C'est comme un bijou de famille. Mieux que le manche de corne finit toujours à la cuisine. Hein? Ah oui, la corne, ça sent la cuisine. La boucherie. Bonjour, monsieur. Je ne peux pas mieux vous dire, la boucherie. Combien coûte-t-il, celui-ci? 135 francs. Mais c'est pas donné, hein, 135 francs. Non, ben que voulez-vous, l'objet d'art sera toujours l'objet d'art. Enfin, vous ne trouverez nulle part ailleurs quelque chose d'aussi beau. Mais tenez, je vais faire le même à ma femme pour son anniversaire, n'est-ce pas, Lucienne? Pas du tout, tu m'as donné de la corne. Ah, voyons, Lucienne, tu te souviens pas? Nous invitons si rarement, vous comprenez? Je m'en souviens parfaitement. Oui, ben tu sais bien, c'est un manche d'argent avec des marguerites. Tu n'as pas besoin de cligner de l'œil. Je suis sûre que mon service est en corne. Moi, je suis sûr qu'il est en argent. Tu sais très bien qu'il est en corne. Enfin, bon sang. Non, mais vous m'en pardon. Non, écoutez, je ne suis pas décidé. Non, mais si vous n'achetez pas celui-ci, vous achèterez le manche de corne. C'est très soigné et d'un bon usage. Ah oui, le manche de corne est très solide. Le mien me donne toute satisfaction. Mais ce n'est pas vrai, j'ai de l'argent. C'est de l'argent. Oui, je préfère réfléchir encore un peu. Hein. Je repasserai. Au revoir, monsieur. Oh, monsieur, un client ne repasse jamais. Une vente qui était presque faite, je rabattais 100 sous, il emportait l'écrin. C'est ennuyeux. J'avais décidé, et il a fallu que... Tu ne sais pas, Moreau. Je suis en train de me demander si tu n'avais pas raison. Il me semble bien qu'en effet, tu m'avais offert un service à découper en argent. Oh, ça, c'est trop fort. Alors, tu viens de soutenir... Oui, je me rappelle maintenant. C'est un manche d'argent avec une guirlande de marguerite. Tu l'as fait exprès? Pour le plaisir de m'infliger un démenti en présence d'un étranger? C'est la colère qui t'a poussé, c'est la rage, la rage. Mais pourquoi la rage? Mais parce que tu rages, parce que le boucher t'a déçu. Tu te venges sur moi de la sottise. Non, Moreau. Sincèrement, le boucher ne m'a pas déçu. C'est tout juste l'homme qu'il me fallait. Mais tu regrettes, Lucienne, et je ne te blâme pas. Au fond, tu sais très bien que tu ne peux pas aimer un autre homme que moi. Ne dis pas non. Ah, tu es fou. J'oublierai tout, je pardonnerai. Tu m'embêtes, fiche-moi la paix. C'est pour nous une deuxième jeunesse qui va commencer. Je parle pour toi. Je pense à notre réconciliation, Lucienne. Si tu veux, je fermerai le magasin pendant 2 jours, pendant 3 jours. Non, je ne veux pas. Nous partirons, Lucienne. Nous ferons un voyage de 3 jours, quand ça devrait coûter 600 francs. Assez, Moreau, assez. D'ailleurs, je déteste qu'on jette l'argent par les fenêtres. Moi aussi, je déteste. Mais tant pis. Nous prenons les premières. Personne dans le compartiment, je te sers. Je t'embrasse dans le cou. Je t'embrasse sur la bouche. Ça tombe dangereux, Moreau, ne dis plus de saleté. À la fin, j'en ai assez. Je suis ton mari, je me plaindrai. J'ai le droit d'exiger, tu entends, j'en ai le droit. Tu m'obéiras. Je te conseille de te taire. Et tu m'appelleras ton chéri, comme avant, tu me l'as dit pendant 17 ans. Je ne l'ai jamais dit, jamais, jamais. Si, tu me l'as dit 1000 fois, et tu rôdais autour de moi. Tu mens, sale méflin. Quand je réparais mes pendules, tu venais me trouver dans l'arrière-boutique. Tu étais toute pâle, les dents serrées, tes mains tremblaient. Mes mains? Ce n'est pas vrai, je le jure. C'est sûr que si, et tu me faisais tes petites mines de garce, et tu prenais ta voix de garce. Tu me trouvais beau, hein? Tu me le disais à chaque instant. Tais-toi, je te le demande. Folle de moi, t'étais, puisque tu m'as épousé. C'est un mariage d'amour que tu as fait. J'ai épousé une pucelle de 17 ans. Tais-toi. J'aurais mieux fait de la coucher au revers d'un tel lieu d'en rester là. Non, prends garde. Tu ne sais pas ce que tu risques. Te rappelles-tu? Ah, t'aimais ça, là? Gorja, je te défends. Pardon de m'avoir soupçonné. Tu sanglotais, tu criais que tu m'adorais. Que j'ai pu rire après. Gouge. Dégoûtant. Non, Lucien, non. Tu vas me payer ça. Non, Lucien, non. Lucien, non. Allô, oui. Bonjour, madame Le Sueur. Une monde de jeunes filles. Nous avons un modèle avec des myosotis. C'est entendu. Je vous en prie. Au revoir, madame Le Sueur. Monsieur Duxet. Seul. J'ai peur, ne m'abandonne pas. Lucienne, qu'est-ce que tu as? Viens près de moi. Plus près, j'ai peur. Défends-moi. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Je peux pas le croire. Où est Moreau? Il n'y a qu'à interroger les clients, les voisins. Je suis connue dans la ville. Je n'ai jamais fait tort d'un sou à personne. Où est Moreau? On sait que je suis une honnête femme. Mais je te demande où est Moreau? Il est là, dans l'arrière-boutique. Non, n'y va pas, ne me laisse pas seule, j'ai peur. Reste près de moi. Oh. Oh, il est pas beau, nom de nom. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Quel malheur. Oh. L'autre jour, j'aurais dû t'obliger à partir avec moi. Moi aussi, j'ai été coupable. Oui, tu es coupable aussi. Ils vont venir. Ils vont m'arrêter. N'aie pas peur. Je leur dirai. Oh, mais qu'est-ce que tu leur diras? Toutes les apparences sont contre nous. Tout nous accuse. Comment nous? Ils ne comprendront jamais que Moreau nous a provoqués, qu'il nous a poussés à bout. Tu vas un peu loin. Ils n'admettront pas que c'est lui qui nous a mis le couteau dans la main. Je n'ai jamais eu de mauvaise intention contre Moreau, moi. Mais moi non plus, je n'ai jamais eu de mauvaise intention. Il est arrivé ce qui devait arriver, par sa faute. Nous n'en pouvions plus, ni l'un ni l'autre. C'est moi qui frappais. Ce pouvait être aussi bien toi. Mais non,